déjà, c'est la base. Attendez, ça va le micro comme ça? Ou je vous le règle? Enfin, l'idée, c'est de parler en face. Je vais vous aider. Attends, tu as la musique, tu l'as mis? J'arrive, je vais vous aider. MTR 93 100, montre un Ah, groupe de ça tient son. pas, attendez, j'arrive. Augmente le son dans le casque. Vas-y, on t'appelle. Ton casque? Ouais, c'est bon. C'est bon? MTR 93 100 liquide. Il fait jour. C'est la nuit. Quand tu passes, le mécanicien arrive. Quand tu viens, tu passes. Passe-partout arrive. Remets. Je suis perdu là un peu. Merci. Perdu là. C'est pas grave. Tourne ta tête elle tourne, tu passes partout, regarde tes rétroviseurs, quand tu fonces, ramène ton kilométrage, tu accélères ta pédale de frein, elle rentre à 500 km/h en Bugatti, en Rolls-Royce. Regarde ton écran quand t'es allumé, le feu il éclate, tous tes mortiers arrivent. Dans le 7-7-9-3, quand tu viens, les émeutes arrivent, tous les émeutes du quartier. 7-7-9-1 jusqu'au 9-5, ça arrive, ça bouge pas. À Bondy, il y a des émeutes avec Théonaël qui s'est passé dernièrement, c'est avant. Les émeutes, c'était une grande histoire en 2005 jusqu'à le Théonaël. Les émeutes, c'est pas bien, arrêtez de faire ça, les jeunes. Prenez exemple sur les présidentielles. Arrêtez de faire les émeutes, c'est pas bien pour la France, ça détruit la Terre. La planète Terre, c'est comme une orange, une clémentine quand c'est orange, planète Mars. C'est brûlant comme planète Mars. Tu regardes la Terre, c'est orange. La clémentine, elle est orange quand c'est orange, la Terre. Elle est orange, ça brûle, ça chauffe, ça explose. C'est tout, c'est tout. Là, tu vois, j'ai fait une thème, c'était Ouais, quoi? super. Tu parles des émeutes un peu, tu vois. Parle au micro. Attends, Ah, attends. Ouais. continue, tu vois. Ouais, l'équipe, ouais, j'ai parlé des émeutes, tu vois, qui s'est passé en 2005. Même, je sais plus, c'était un jeune, j'ai vu sur un reportage, c'était un jeune, c'était un rebeu, et l'autre, c'était un black aussi, qui s'est passé en 2005. Vous savez qu'il y avait une émeute, tu sais, c'était en 2005. Je sais plus, c'était. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait la personne, c'était en 2005. Il y avait un. Ah ouais. J'ai vu un clip, le jeune, il a parlé de ça, il a parlé. C'est Larsco, il s'appelle, c'est un mec de Bondy. Et quand j'ai vu la photo, après j'ai revu sur la télé, tu vois, je veux dire sur l'écran, sur YouTube. Et il a parlé de l'émeute qui s'est passée en 2005, tu vois, avec deux jeunes. Après j'ai parlé des émeutes de quartier, tout ça. Mais c'est bien, maintenant tu t'inspires un peu Ouais, de c'est un peu dur, un peu les textes, un peu. Là je commence à. Là j'ai dû me remettre un peu, ça sortait comme ça de ma tête un peu. J'ai c'est réfléchi bien. un peu, j'ai réfléchi quel thème je dois faire, tu vois. J'ai parlé des émeutes, des quartiers. J'ai parlé du 7-7 au 9-1, 7-7, du 7-7 au 9-1, Ouais. du 9-5, je sais plus, bref. Après, j'ai dit, j'ai parlé des émeutes, tu vois, ça parlait de ça. Après, ça parlait de. Oh, dis-moi. Tu peux bien expliquer c'est quoi les émeutes en fait? Ah, les émeutes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est passé avec Théonaël, ça veut dire que. T'as vu quand ils ont tué Théonaël? Je crois que c'est Naël, je sais plus c'est quoi Théonaël, je sais plus comment ça s'appelle. Quand il avait la Merco, tu vois. Ouais. Et le policier l'a tiré. Ça, c'est une émeute, tu vois. Et quand ils ont. Tu vois, la zone commerciale de ce grand bedot. Quand ils ont cassé le Action, ils ont brûlé les trucs là-bas. Et ça, des émeutes. Les émeutes, ça veut dire plein de choses, tu vois. Ça veut dire, c'est. Tu vois, les jeux vidéo, quand tu joues aux jeux vidéo, tu vois. Et ça parle de ça, les émeutes. Quand le policier tire sur quelqu'un, quand ça. Tu vois, genre avec des mortiers. Ça veut dire plein de choses, émeutes. Dans les quartiers. Regarde dans les quartiers, dans les clips, il y a des émeutes aussi. Ça parle d'émeute aussi. Et c'est pour ça que moi je fais ce thème-là un peu, tu vois. Au lieu de parler les Martin Mystère, bon bref, t'as capté les cheveux bleus, tu vois. Là j'ai fait ce thème-là sur les émeutes, t'as vu, c'était intéressant, tu vois. Mais après, les prochains jours qui vont arriver, mercredi, je vais changer de thème un peu. Je réfléchis un peu. quoi faire comme thème et après je le fais, tu vois. Ouais. Parce que je me rappelle quand je suis venu ici, 2024, je crois, 2023, j'ai fait les mêmes thèmes, t'as vu. Après, j'ai Ouais. programmé, échangé, t'as vu. Ouais. Et puis voilà. Ben c'est bien, tu passes à des choses de choses singulières à l'universel, tu vois, Ça les veut dire choses. quoi, ça? Ça, c'est un truc d'Aristote, tu vois, on parlait l'autre fois. Il dit que l'art, c'est passer des choses un peu perso, un peu singulier à Après, toi, après à le des choses universelles. après l'article ce qu'il a dit, il a parlé des émeutes 2005. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai reproduit le truc, tu vois. Quand j'ai eu la scène, tu vois, la scène de l'image, Ouais. quand il y avait le black et le rebeu, tu vois. Ouais. Après, j'ai remis ça dans le texte aussi. J'ai mis l'émeute de Cool. 2005 jusqu'à Théonaël, tu vois, jusqu'à le passé, jusqu'au futur, tu vois. C'est bien. Tu Parce que voulais poser moi, une question? ouais, dis-moi. Je voulais juste te demander si je pouvais fermer la porte parce qu'il y a un courant d'air en fait et que le Oui. frigo. Allez-y, sans problème. Sans problème. Allez-y. Pas de souci. Tu Oui, vois, faut continuer. quand ça parle des émeutes, tu vois. Après, moi, je savais pas que 2005 il y avait une émeute. Après, j'ai cliqué sur YouTube. Il y Ouais. avait un portrait d'un black, je crois que c'était un Malien, Sénégalais, je pense c'était un quoi, ou un Guinéen. Et donc, c'était un rebeu, tu vois. J'ai vu là l'image. Et j'ai vu que c'était le tu vois, congolais. Ouais. Après j'ai vu, tu vois, c'est un. Après j'ai vu qu'il y avait ça, l'émeute, tu vois. Maintenant je fais quoi? Ah, c'est toi? Non, toi tu parlais là. Non, non, non, t'as touché à ça. Oui, mais Après, t'as ça je vu quoi? baisse. J'ai vu c'était. C'est pas ton Maintenant je fais volume. quoi? Ton volume c'est là, rien. Maintenant je fais quoi là? Vas-y, Je vas-y, fais vas-y. quoi? Non, Faut que parce tu que lâches. ça, tu parles, c'est ce micro-là. Ah d'accord. Tu vois. Tu vois, quoi, j'ai parlé des émeutes, tu vois. Ça Ouais. rappelle 2005. Moi, 2005, j'étais petit. Moi, je suis en 97, tu vois, j'étais tout petit. Je savais pas que. Il y avait une émeute ce jour-là. Après, j'ai fait le futur. Le futur des émeutes, c'était quand elle était au Naël, tu vois. Et après, j'ai fait ça. Après, les textes, j'ai changé un peu. T'as vu, j'ai rectifié les textes et tout. Là, je Après, vais partir. j'ai. Là. Bah attends, fais un peu de musique avant que tu partes. Ouais, fais un Ouais. peu. Un petit son. Voilà, fais un peu de Ok, musique, un live c'est bien. son. Après, tu vois. Et puis voilà. Vas-y, Enfin, Martin, j'y vais. tu reviens, attends, on va se laisser faire un peu de musique à Iqbal. Mais moi, j'y vais, Martin. Attends, Paul. La C'est musique rien, là. Iqbal. C'est rien, moi. Vas-y, après, je refais après. Je fais un dernier, c'est bon. Je fais un dernier, c'est bon. Oui, Vas-y. attends, je fais une pause musicale. C'est pas Ouais, un nouvel chinois, Iqbal, ça? c'est bien, Eh, Iqbal. Martin. Hein? C'est pas un nouvel chinois ou Oui, c'est karatéki, ça, ça? ça fait une espèce de Si, mélodie si, si, chinoise, c'est hein? ma. Ouais. Tu peux en refaire Je une? Vas-y, connais ça, c'est une nouvel Iqbal. chinois. Je connais Oui, ça. vas-y, Ouais. refais-nous Il est une. trop fort, hein, ce Il est mec. fort, Eh, Iqbal. il passera à la télé si tu veux. Eh, il est trop fort. Il est trop fort. Martin, il est trop fort. C'est un truc de ouf. Fais ma gueule là. C'est génial, Je vais passer à la télé, c'est en c'est plus je bien. fais bien. Ouais. Ah, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bravo, Iqbal. Excuse-moi. C'est bien. Ok, C'est un petit trop peu de la fort. musique. Ok. Bon, tu l'as quand tu on est là tout le temps quand Ok. tu veux. Donc C'est un que peu t'as. karaté kid un peu, tu vois, Ouais, genre ça le fait même une truc. mélodie un peu Moi, je vais y orientale. aller. Nouvel An de la Je Serpent. vais rester juste à côté pour fumer une cigarette. T'es trop Pas fort, t'es d'accord, si vous fort. voulez, Je vous te venez passe ici après. bravo, Ok, on est bravo. là. Sinon, aussi, vous pouvez fumer ici. Là, derrière, D'accord. j'ai un patio. Franchement, je suis choqué. Il est trop fort, Martin. C'est un truc de ouf. C'est bien, je joue bien. Il est trop fort. Bon, Je passe à la télé, c'est mieux. Tu vas tu veux passer à la faire télé. un dernier Un dernier, un dernier, un Attends, dernier. terre. Après, je me tire après. Ouais, et puis À la voilà. télé. Bonjour Sophie, venez, ça va? Je Venez sais à pas la comment place ici, instruire. hein. Je sais pas comment instruire. Je peux m'avancer. Mais Mets-moi un autre après. Ouais. La dream, mais un truc bien, tu vois, après. N'importe Voilà, quoi. donc c'était. Ça va? Qu'est-ce que La vous dream pensez? bien. Ça va et toi? Ça me fait bizarre de te voir tout seul. Et. Non, Abdou, il est pas là, Il il est est pas là. occupé. Après, je suis triste qu'il est pas là, je suis allé le CJ, c'est voir. son nom d'artiste. Mais je l'adore. Ah, CJ. CJ, tu m'entends? Ouais. Donc, du coup, là, toi, tu viens essentiellement pour mettre de l'instru ici, c'est ça? Non, moi aussi, je rappe aussi. Alors, qu'est-ce que tu attends pour rappeler? Ah. Après, je vais rappeler, t'inquiète. Un dernier. T'inquiète, Non, t'inquiète t'inquiète pas, t'inquiète pas. pas. Je fais Je suis dans elle va rappeler. Après, c'est MTR parce qu'il est toujours un peu pressé. C'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles, tu sais. Ma femme, je connais à la carte. Ça, je vais partir avec. La révolte. Et c'est quoi que tu mets comme. Enfin, tu rappes sur quoi essentiellement? Moi, de la drill, de la trap, un peu d'R&B, ça dépend de quoi je chante. Ah, moi, j'aimerais bien entendre de l'R&B là. Ah ouais. Bah, c'est fou, non? Ouais, pas quoi. On entend quoi? Attends, ouais, tu avais mis d'abord la pub, c'est ça, j'avais baissé. MTR 93 sur l'équipe. On présente Montreuil, le 93. Ici c'est Paris. Ouf. Oui. Attends, tu seras là. 93 140 9 300. Tout ce qui s'est passé aux États-Unis, en Ukraine, c'est des gens fous. C'est la guerre là-bas. L'Ukraine et la Russie. Vous n'êtes pas bien quand vous mettez des gens en galère. C'est des fuseaux horaires là-bas. Parce que la France, l'Ukraine et la Russie, vous tirez. Tout le monde, vous n'êtes pas honte, c'est honteux. Ce pays, c'est pas bien, vous foutez la honte. Toute la télé regarde. On dirait que la réalité. Vous apprenez à faire la guerre. La Russie et les Russes. Plus l'Ukraine, vous êtes mauvais, vous n'êtes pas bien. Vous détruisez le pays, vous n'êtes pas bien. Vous êtes fou. Mais nous, on est intelligents. Ça veut dire que nous, on est plus forts. Ah, ça marche bien. On est Popeye. On calcule tout le monde. Vous n'êtes pas bien. Arrêtez de faire n'importe quoi, les Russes. Sois exemplaires. Ici c'est Paris. On veut pas de Russes ici parce qu'ils sont bizarres. Arrêtez de faire n'importe quoi à la France, vous foutez la honte. Voilà, maintenant c'est bon. Là j'ai parlé de tout, tu vois. Là j'ai parlé bien. De. Bravo. Là je parle comme la dernière fois, je parle un peu normal, tu vois. Bah c'est super. En fait, tu parles des sujets internationaux, quoi. En fait, là, j'ai fait un autre thème aussi. Là, ça parlait de la Russie et l'Ukraine. Ouais. C'est passé, tu vois, dans la télé, comment ouais, ouais. Là, j'ai fait un thème sur ça. Après, j'ai mis la France, j'ai mélangé un peu les textes. Un peu. J'ai mis Paris, j'ai mis Montreuil, j'ai mis Bondy, tu vois. Après, moi, ce que j'ai parlé, ça parle un peu de la Russie et l'Ukraine. En fait, parce que je disais, t'as vu, c'est honteux, tu vois, qu'est-ce qu'ils font. Après, j'ai revu ce thème, pas ce thème-là. Là, c'était les émeutes. Et là, tu vois, là, c'est. Là, je parle un peu de. Comment ça s'appelle? Je parlais de l'Ukraine et la Russie, tu vois. Quand tu parles comme ça, c'est bien. Ouais. T'as vu, comme dis moi, dis, c'est honteux, tu vois, parce que. Ils salissent le pays, tu vois. Et tu vois, j'ai parlé de ça. Après, j'ai mélangé un peu les textes. Un peu. J'ai fait un petit peu de la France, un petit peu de l'Ukraine, un petit peu de la Russie, tu vois. J'ai pas mis les États-Unis avec ta vue, j'ai mis que ces trois pays, tu vois. Après, voilà, après. Après, il y aura d'autres thèmes à venir, mais je vais réfléchir un peu, tu vois. Ouais, c'est bien, okay. Tu as plein de sujets. Ouais. Voilà, donc on a. Tu veux chanter encore une ou non, on passe à Singe bon, Est-ce que tu veux présenter à ton prochain. À ton collègue, là. Ouais. De quoi? Tu présentes le prochain artiste. Ouais, bah là, le prochain artiste qu'on a, c'est Singe. MTR va partir. CJ qui a des nouvelles compos. Hein. Il revient la semaine prochaine. Il a travaillé sur des nouveaux textes, CJ. Vas-y, l'équipe, mercredi, bonne soirée à vous. À la semaine prochaine. Ouais. Et toi, là, prenez soin de vous, l'équipe. Ouais. Allez, ciao. Vas-y, Martin. Hein. Au revoir. Essaye de mettre les oreilles. Là. Samedi qu'on fait la. Ah, samedi, je peux pas. Non, okay. Je peux pas. Comme tu veux. J'ai plus de temps, vas-y. Bon, CJ, on t'écoute. Vas-y. Allez. Salut, MTR. À la semaine prochaine. Au revoir. Tu peux augmenter au niveau du casque. C'est lequel? Tiens, 3. Là? Ouais, c'est bon. Tu veux prépare à faire le mili. Pourtant, je suis pas un gosse de riche. Ma mère, elle me dit de faire la prière parce qu'il n'y a pas de code de triche. Il n'y a personne qui m'incite. Tu pètes ta tête en asile. Dans le tunnel, il n'y a pas de lumière. Elle, ma mère, fait des prières. Ceux qui m'ont tourné le dos, des gars qui m'appelaient mon frère. On partageait un grec, même la même assiette. Hendel, garde la pêche si t'allumes la mèche. Si t'as les couilles avec le fer, c'est pas que t'es du terre-terre. Je fais pas de pura pour plaire. Dis que sa mère les indique, c'est des faux frères. Rafale de balles, je vais les allumer. Elle est bien loin l'époque où j'allumais des calumets. Des terres pour avoir ma quicheta. J'ai fait plus de 10K. Pas de séquelles, passe au mitard. J'ai gardé ma foi, y'a que Dieu qui peut mettre les barrages. La bagarre, je voulais me faire respecter à mon jeune âge. C'est ma zone. Par là où on vit, crabe le bédo. Prends ta dose. 9, 3, 1, 4, 0. Je fais pas de pura pour plaire. Nique sa mère les indique, c'est des faux frères. Rafale de balles, je vais les allumer. Elle est bien loin l'époque où j'allumais des calumets. On fout le boucan chez nous, c'est le 9-3, Penavo, Lika. Ouais, ça passe, y'a la brigade. L'aurait mon poing, j'ai serré les poings. Rafale de balles, je vais les allumer. C'est bon. Ouais. Ah putain. Bravo, c'était. C'est bien, non? Sophie, mettez-vous là, comme ça vous parlez au micro, là, parce que là, le micro, il est trop loin. C'est plus que bon, c'est... Mais c'est, ça, CJ, c'est une nouvelle compo que tu as fait, là? Ouais, un nouveau texte. Un nouveau texte, c'est vachement bien, non? Que tu penses quoi, Inak Pignon? Ça va, hein? Toi, tu fais la musique en ce moment, ou pas? Ah, mais fais chier, merde. Alors? Excusez-moi. Attends, oui, la chroniqueuse qui devait arriver. Mais non, docteur, c'est pas ça. CJ, tu veux une autre? Ouais. Pour un son de Gims. Voilà. Alors, avant que tu enchaînes sur le son de Gims, est-ce que tu peux juste expliquer ton texte? Enfin, je veux dire l'histoire. C'est l'histoire. Ah ouais. Parce que c'est intéressant. Hein, j'écoute pas. Quand j'ai l'opportunité d'avoir des artistes qui écrivent des. J'avoue, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails. Ok. Je préfère que les gens écoutent, après, ils ont leur propre avis. Quoi. Ok, ça marche. Et toi, tu penses quoi de la chanson Yann? Qu'est-ce que ça t'inspire, c'est ce qu'il a chanté? Pas trop rap, je pense. Non, c'est vrai que moi, je suis plus instru. Peu importe. Hein. Mais après, j'ai bien aimé, c'est pour ça que j'ai cherché à savoir l'histoire derrière. Donc, bon, ouais. Est-ce que tu t'es sentie concernée? Il faudrait que je l'écoute plusieurs fois. Non, mais est-ce que, parce que ça parlait de traîtrise un peu, est-ce que tu t'es sortie? Moi, je me suis sentie concernée, par contre. Comme tu dis, il y a des personnes, tu penses que c'est tes amis ou c'est ta famille, en fait. Ouais. Oui, je pense que... On a tous un peu vécu une traîtrise. Ouais. Et est-ce que tu es du genre à pardonner ou pas? Est-ce que tu es du genre à passer l'éponge? À avancer, à tirer un trait, à tourner la page? Il faut que je traite l'information avant. D'accord. Supposons que c'est une grosse traîtrise et que c'est quelqu'un que tu apprécies réellement. Donne-moi un exemple. Un exemple, je sais pas. Une amie. J'allais dire un ex, mais non, c'est trop facile pour toi. Une amie. Mmh. Une amie d'enfance. D'accord. Mmh. Tu pourrais pardonner? Moi, je sais pas. Ça dépend. Hein. Ça dépend quoi? Parce que, de toute façon... Une histoire qu'elle a... Ça dépend quoi? Si, par exemple, elle a flirté avec ton mec. Non, tu peux pas, ok. Non, mais je voulais savoir si j'étais la seule à un moment donné à avoir un seuil de tolérance. Parce que des fois, j'ai l'impression que je suis les gens, ils me parlent comme si j'étais un peu trop sèche ou radicale. Mais non, à un moment donné, tu peux plus. Non, il y a des seuils, c'est vrai. Comme il l'a dit, je pense qu'il a évoqué Dieu dans son texte. Ah oui, c'est après, vrai. Je me souviens plus de la phrase exacte. Oui, c'est vrai. Mais la foi... Mon cas. Et que Dieu qui peut mettre les barrages. C'est ça. Et pour ceux qui ont la foi, ceux qui croient, quand tu rentres dedans, et ben, t'arrives peut-être à passer au-dessus. Après, ça dépend des personnes. Ouais, c'est vrai. toute façon, il n'y a que Dieu qui aide. Okay, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'une fois, on m'a dit de pardonner à quelqu'un et j'ai dit non, que je n'avais pas envie. Donc voilà. Parce que c'est toujours, moi je trouve, j'en ai parlé à Martin un jour, et je trouve qu'on demande trop aux victimes et pas assez aux bourreaux. Ouais. Voilà, je trouve qu'on demande trop aux gens de passer l'éponge ou de pardonner ou de machin, mais non. Et si la personne, on passe trop l'éponge, est-ce qu'elle peut se rendre compte même de l'énormité de son truc à un moment donné? Non. Si elle, voilà, si elle s'en excuse jamais. Donc, voilà. Après, je suis pour. Hein. Comme je lui ai dit, si quelqu'un m'a fait une grosse crasse et que la personne s'excuse et qu'elle est sincère, allez. Mm-hmm. Mais c'est toujours, je pense, aux victimes. Un peu comme la charité chrétienne, tant de l'autre jour. On en demande trop aux victimes, je trouve. Bah, les victimes sont les premières à être confrontées du doigt, enfin, ouais. Comme tu le dis, parce que... Oui, oui, oui. Des fois, j'en parle hein, en thérapie. Hein. Moi, je suis pas une victime qui compatit avec le bourreau. Hein. Mmh. Ah non, moi, le bourreau, je le tue, moi. Moi, je compatis pas. Moi, je peux pas des choses. J'ai pas de charité chrétienne, à un moment donné. Okay. Après, ceux qui en ont, respect. Combien? Non, respect. Ouais. Okay. J'ai vu un reportage sur une dame un jour qui est allée en prison voir celui qui avait tué sur son fils. Moi, j'ai dit, mais respect madame, je ne sais pas si j'aurais pu. Mais elle avait besoin de ça pour guérir. Oui, parce que... Mmh. C'est beau ce que je viens de dire, la docteure. Ouais, elle avait besoin de ça pour guérir. Et ça ne te dérange pas, toi? Si. Le fait, du coup, de ne pas pardonner. Tu vois... Pas pardonner, si... Si je peux discuter avec la personne, mais il y aura quelque chose de brisé, la confiance. Et ça te fait pas mal du coup de... Si, parce qu'il y a des personnes, je les aimais vraiment beaucoup, mais je sais pas. Comme il a dit le texte, il n'y a que Dieu qui met des barrages. À un moment donné, tu peux pas te laisser marcher. Tu peux pas être bonne tout le temps. Je vais pas dire piétiner. Tu peux pas être bonne tout le temps. Tu peux pas être une super héroïne tout le temps. Donc. C'est une façon de te protéger aussi. Oui, c'est ça. Donc, même Superman, c'est soit il allait sauver les vieilles, soit les enfants, les deux, il ne pouvait pas. Donc, moi, je ne chauffe personne pour ma peine. C'est ce que je viens de dire. Donc, mais oui, elle est part, ça l'a servi. Comme tu dis, la haine, ça peut ronger. Ça lui a fait du bien pour avancer. Ouais. D'aller voir celui qui a... Moi, j'ai dit respect. Moi, je ne sais pas si j'aurais pu. Voilà. Mais peut-être qu'il faut que toute une vie hein, pour répondre à cette question. Ouais. C'est pour ça qu'on est tous différents. Mmh. C'est vrai. J'en pense quoi, toi? Toi qui as écrit ce texte. Ouais, ah, bah oui, c'est vrai, tout tourne autour de ton texte en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Mmh. Ouais, vous êtes. Et bonne transition. Vous êtes tout de suite. Ah. Vas-y, je peux faire un autre. Ouais, parce que ton texte, il ouais. touche, tu vois ce que je veux dire. Moi et la soeur, on s'est fait un monologue pendant au moins 5 minutes. C'était parti de ton texte, en fait. Ok. Là, il a peut-être parlé d'amour. Non, là, c'est son game, ça. Ah. On attend le R&B, hein, ça va. Ah, je sais pas. J'ai pas oublié, hein. Pourquoi je provoque les applaudissements? Je n'ai fait que dire la vérité sur ce monde froid et obscur, sur ces gens aux idées absurdes. Mon père m'a bien dit de ne pas faire confiance aux inconnus. Je n'ai pas obéi à papa, je suis tombé, je vois l'ennemi en contre-plongée. Replonger dans l'oubli après une décennie de looping. Marre d'associer mes enfants à ma vie privée car ma famille se déchire. Histoire, redevenir qui j'étais. Moi, sans histoire, redevenir qui j'étais. Moi, je me détruis. Sacrifie tout mon temps et ma famille. On me chuchote que tu seras riche. Petit à petit, je réalise que le diable est dans mon lit. Mes ambitions étaient nuisibles. La musique, Ce manège a passé longtemps, maintenant je veux voir grandir les enfants. J'ai pris des ailes pour toucher les sommets, le succès me suit comme en réseau. Pour Dadju et Bédjik, ce monde ne vous laissera aucun répit. Ne troquez pas vos assis à l'argent, sachez que ce suicide. Perso, moi je vais rejoindre Abdelkarim dans un endroit plus tranquille. Ressasser tous mes péchés, mes excès, mes manquements dans mes obligations. M'étranglera tout le temps, tout autant que le crack d'un junkie. Le game n'est qu'une course à l'orgueil qui divise les gens et l'on finit sans péquer. Cette histoire de me dire qui j'étais. Sans histoire de dire qui j'étais, moi je me détruis, sacrifie tout mon temps et ma famille. On me chouchote que tout sera riche. Petit à petit, je réalise que le diable est dans mon lit. Mes ambitions étaient nuisibles. La musique. Je me suis très souvent demandé, le Seigneur m'a-t-il détesté? Le diable me disait, t'inquiète pas, t'as rien fait, t'as laissé parler ton cœur, c'est parfait. Ne sont que des sentiments qui ne font que mentir gentiment. On comprend les cœurs d'un drap blanc, les éloignant du monde des vivants. Viens dans mes bras, t'auras tout ce que tu voudras. Ouvre les yeux, j'ai retiré le voile. Viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras, t'auras tout ce que tu voudras. Ouvre les yeux, j'ai retiré le voile. Viens dans mes bras, viens dans mes bras. Viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras, mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras. Je préfère quand c'est lui qui la chante. Que Maître Gims. Ouais, t'es pas mal, bravo. Ouais. Il chante mieux que Maître Gims, hein, c'est ça. Hein. Non. Mais si. Maître Gims, il est trop obscur. Moi, je lui dis la même chose, hein, qu'il chante obscur, mieux. Hein. Ouais. Ouais. Il est obscur dans ses textes et tout ça, il est un peu bizarre. Il bien, ouais. On préfère. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah, je trouve que